Oh, poème, tout c'est prêt. Poisson dans le ciel savent nager. Rhinocéros montagnard. Mais bientôt à le manger. Oh, où est-ce qu'elle est cette liberté? Cette liberté.